Sur le piano, au bar du Zanzibar, on n'aime que la police. Elle retire le haut et je tire sur le pianiste. Au bar du Zanzibar,